les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un sang flamand qui lui aurait donné le goût de la peinture intimiste. À 16 ans, il avait déjà en tête le plan de sa vie d'écrivain. Quand il commençait un roman, il ne savait pas où il allait, vers l'homme nu, sans doute. L'histoire en elle-même n'avait guère d'importance. L'atmosphère, oui, et les personnages. Indistinct de lui-même, pas intéressé par les problèmes sociaux. Mystique, enfant ? Oui, enfin, jusqu'à l'âge de 12 ans, 12 ans et demi, lorsqu'il avait découvert les femmes. Georges Simenon était l'invité d'André Gillois le 20 avril 1952 sur la chaîne nationale. La radiodiffusion française présente « Qui êtes-vous ? Georges Simenon ». Une émission d'André Gillois. Nous allons donc avoir le plaisir de demander à Georges Simenon qui il est. Alors je vais commencer, comme d'habitude, par les questions les plus simples. Et une d'abord qui me vient à l'esprit, tout le monde connaît votre extraordinaire fécondité. Et je me demande, et je vous demande si, malgré cet énorme travail, vous avez le temps de prendre quelques vacances, d'avoir des loisirs, et quels ils sont ? Eh bien, j'ai énormément de loisirs. Je suis même un homme de loisirs. Parce que vous parlez de travailler beaucoup, je l'ai fait à certains moments, lorsque j'écrivais 7, 8, 10, même au début 12 romans par an. Mais maintenant, j'en écris en moyenne 5, quelquefois 6. Comme le maximum de temps que me prenne un roman est de 11 jours, ça nous fait 55 jours par an pour un roman. Et comme il y a 365 jours dans une année, j'ai des loisirs pendant 310 jours. Alors qu'est-ce que vous en faites de ces loisirs ? Eh bien, ces loisirs, d'abord, je les consacre à ma famille. Je suis avant tout un père de famille. Je passe certainement la moitié de mes journées avec mes enfants. Vous en avez combien ? J'en ai deux, un de 13 ans et un de 2 ans et demi. Seulement, il faut vous dire qu'aux États-Unis, étant donné les distances, le métier de père de famille consiste surtout à celui de chauffeur de taxi. Parce que où qu'aille l'enfant, que ce soit à l'école, chez des amis, au terrain de sport ou n'importe où, ça représente toujours 15 ou 20 ou 25 kilomètres. Par conséquent, on passe une bonne partie de ses journées à faire le chauffeur. Oui, mais je pense que vos occupations ou vos loisirs ou vos conversations avec vos enfants ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de celui de 13 ans, de celui de 2 ans. Bien entendu, mais enfin, j'ai la même détente avec l'un qu'avec l'autre. Est-ce que vous leur racontez des histoires ? Marc, par exemple, jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, tous les soirs, il fallait que je lui raconte une histoire pour s'endormir, et c'était la même histoire. Ça a été un roman à épisode, à n'en plus finir. Malheur au barbu. Non, j'étais parti un jour avec un petit chinois qui s'appelait Li, et qui partait faire le tour du monde. Et pendant 5 ans, il y a eu les histoires de Li qui ont continué, qui ont continué, qui ont continué. Li s'écrivait L-E. L-I. Non, ah non, L-I, je crois. D'ailleurs, il ne s'est jamais écrit, puisque j'ai raconté. Oui, ah, certainement. Et alors, ça a duré très tard, ça. Bon, alors, en dehors de vos loisirs, ou plus exactement de votre travail de père de famille, car c'est aussi un travail... Oui, alors, il y a ma femme qui me prend un certain temps aussi, j'en suis ravi. Ensuite, enfin, il y a tout de même une partie consacrée au sport. J'ai besoin d'une vie physique assez active. Par conséquent, je pêche beaucoup, je fais du golf, je fais du cheval. Ça dépend de l'endroit où je suis, mais il y a aussi tout de même 2-3 heures par jour consacrées à la vie physique. Enfin, ma femme s'occupe de toutes mes affaires et de contrats, de télévision, de tout ce qu'on peut imaginer. Ça représente tout de même une administration, étant donné que tous ces romans sont traduits en 18 langues, ça fait une correspondance folle. Mais il y a tout de même une partie que je dois passer avec elle pour vaguement discuter, être au courant. Et voilà à peu près toute mon activité. Maintenant, je lis tous les soirs, je lis. Mais jamais des romans. Je lis uniquement soit des mémoires, soit des vies, vous savez. Des mémoires historiques. C'est ce que je lis le plus, certainement. Vous avez toujours lu. Ou des correspondances, etc. C'est ce que vous avez toujours lu le plus ? De tout temps, oui. Dès l'âge de 25 ans, j'ai à peu près cessé, dès le moment où j'ai écrit en somme moi-même, j'ai à peu près cessé d'écrire, de lire des romans, par crainte d'ailleurs d'être influencé. Est-ce qu'on peut vous demander quel est le livre qui, avant cette période, vous a le plus impressionné ? Ça a suivi une certaine gradation. Par le fait que j'ai été élevé dans ma maison natale, dans la maison familiale, avec des étudiants de toutes les nationalités, au lieu de commencer par la voie habituelle, J'ai lu, par exemple, Dostoïevski avant de lire Balzac, Gogol avant de lire Dickens. Tout cela a été un mélange selon la nationalité des étudiants que nous avions à un moment donné. Je lisais les œuvres dont ils me parlaient, que je trouvais sur leur table, etc. Alors, ce qui m'aurait le plus impressionné, je crois encore bien que ce serait Robinson Crusoe, peut-être. Comment pouvez-vous craindre d'être influencé, vous qui entre tous le risquez le moins, peut-être? Je ne crois pas. Vous venez de prononcer le nom de Dostoïevski, vous connaissez la lettre de Dostoïevski à sa femme qui dit « Je viens de lire Candide, c'est merveilleux, je vais faire un Candide, ça donne l'idiot. » Oui, évidemment. Mais malgré tout, alors, si même je ne craignais pas, quoique je le crains quand même, d'être influencé, mettons, dans ce qu'on appelle ma manière, je n'aime pas tous ces mots-là, mais enfin, il faut bien les employer puisque je ne trouve pas d'autres mots pour le dire, tout au moins, ça m'influence moralement. Si je lis un roman que je considère comme très bon, je suis pris d'un trac, d'une humilité pour le roman suivant. Je me dis, bon, mais à quoi bon écrire, puisque ce type-là écrit beaucoup mieux que moi. Et si, au contraire, je lis un roman que je considère comme médiocre, je me dis, mon Dieu, quel grand bonhomme je suis. Et à ce moment-là, je fais quelque chose de très mauvais, bien entendu. Alors, je trouve qu'il vaut mieux rester dans une moyenne et ne rien dire. Est-ce que vous n'avez pas, s'il n'y a pas une crainte que vous auriez présentement, puisque vous avez quitté depuis si longtemps l'Europe, la crainte d'être désimprégné? C'est le contraire. Je suis beaucoup plus imprégné d'Europe quand je suis aux États-Unis que quand je suis ici. Et j'en vois une preuve dans les critiques qu'on m'a consacrées les dernières années. Avant, je n'avais jamais entendu dire que je rendais telle rue de Paris ou tel personnage français avec tendresse. Maintenant, je le lis très fréquemment dans les critiques. Ça se sent dans vos derniers romans. Il est évident que l'éloignement fait à peu près le même travail que le temps. L'éloignement décante le souvenir. Il est évident que si vous passez tous les jours aux Champs-Élysées, il est très difficile de savoir ce qu'il y a de spécifiquement parisien aux Champs-Élysées. Tandis que si vous êtes aux États-Unis depuis 5 ou 6 ans, même sans le vouloir, même sans essayer de faire une synthèse, vous la faites. Autrement dit, vous voyez immédiatement les deux ou trois traits caractéristiques qui font vous ferez les Champs-Élysées sans le vouloir. Est-ce que vous sentez continuellement cette obsession des lieux qui est tellement forte dans vos romans, n'est-ce pas, que presque tous vos romans sont, en somme, des mélodies autour d'un paysage. Mais c'est d'ailleurs très juste ce que vous dites, en ce sens que pour partir, pour commencer un roman, je ne le commence pas sur des personnages, d'abord jamais sur une action, je ne sais jamais l'histoire. L'histoire n'a aucune importance dans mon esprit. Mais le premier déclic se fait sur une atmosphère, c'est-à-dire que je vais me promener pendant 10, 12 heures, 3 heures, ça dépendra le temps qu'il faut pour que le déclic se produise, il me viendra tout à coup une bouffée de telle atmosphère, je vais passer à côté d'un arbre qui me rappelle l'odeur d'un autre arbre, ça me rappellera que ce soit Saint-Memain ou que ce soit la Richardière, enfin une des maisons que j'ai habitées ou un des endroits où j'ai vécu, de cette bouffée, je vais revoir les lieux, mais avec une netteté absolue, des lieux viendront les personnages ou que j'y ai connu ou que j'y vois le mieux, et enfin, là-dessus, je commencerai un roman. Mais je le commencerai sans du tout avoir la moindre idée de ce qui va se passer. La ligne mélodique et la ligne d'atmosphère. Cette peur d'être influencée, est-ce qu'elle porte sur, justement, les paysages, par exemple, sur les tableaux ou sur les films? Non. Non. Pas du tout. Vous n'avez pas peur d'un paysage Van Gogh? Ah non, au contraire. Alors, justement, ça, je suis un amateur de peinture, je suis les expositions de peinture, je suis les films à peu près régulièrement, autant qu'on peut le faire quand on vit à la campagne comme je le fais. Ça, alors, aucune influence possible. Aucune. Vous avez beaucoup de goût pour la peinture. Oui, j'ai toujours adoré la peinture, et d'ailleurs, j'ai débuté ici à Paris j'ai commencé par connaître des peintres avant de connaître des écrivains ou quoi que ce soit. Ce sont des peintres qui ont été tous mes premiers amis. Et cette imprégnation des lieux a-t-elle été toujours un don des dieux ou avez-vous fait des exercices d'imprégnation? J'ai jamais fait l'idée de faire des exercices. Vous savez très bien que n'importe quel lecteur est stupéfié par la. Mais si j'avais dû faire des exercices. La véracité du détail et se demande très vulgairement de vous, mais où a-t-il pêché tout ça? Écoutez, si j'avais dû faire des exercices, je crois que ce serait artificiel. Mais ce que j'appellerais des exercices, par exemple, c'est le fait que je me permets, justement, comme un peintre, car au fond, je travaille assez à la façon d'un peintre, je me permettrais, avant d'écrire un roman dur sur un sujet déterminé, d'en faire un croquis en faisant un Maigret, par exemple. Oui. Et quelquefois, le Maigret sera sur le même paysage ou sur la même rue, et c'est une sorte de croquis, comme un peintre fait un croquis avant de faire un tableau. Il y a beaucoup de romans de vous qui sont des tableaux. Liberty Bar, c'est vraiment un tableau. Et La Marie du Port, c'est un tableau. Je pense, c'est peut-être mon sang flamand qui m'a donné ce goût du paysage intimiste, si je puis dire. Vous voyez, de cette peinture assez intime. Vous ne vous occupez pas de lecture philosophique, vous n'avez pas d'inquiétude de ce domaine? Là, je vais vous répondre une chose. Mon père, lorsqu'on lui demandait pour qui il avait voté, disait que c'était la chose la plus intime, la plus personnelle, et qu'il était incapable d'en parler. C'était sa seule pudeur. J'ai une pudeur, moi aussi. Ce sont mes idées religieuses et philosophiques dont je n'ai jamais parlé. Il me serait plus facile de me promener tout nu aux Champs-Élysées que de vous parler de mes idées sur ces sujets-là. Eh bien, parce que je pensais, comme vous m'avez parlé de, il y a une minute, de votre pays, que vous étiez flamand, j'ai vu à Bruges un flamand qui disait « Nous avons tout de même une autre conception du monde parce que pour nous, le ciel, l'eau et la terre ne sont pas distinctes. Ça fait une même chose. » Oui. Dans le paysage flamand. Oui, ce n'est pas tout à fait dans mon ordre d'idées. C'est pas non, ce n'est pas de C'est ordre. Vrai pour le paysage. C'est vrai pour le paysage, mais ce n'est pas dans cet ordre-là que j'aurais des inquiétudes ou que j'aurais des préoccupations. Non. Non. Et on ne peut pas vous demander dans lequel. Il veut se mettre tout nu plutôt. Mettons, si vous voulez, que ce soit dans la question des destinées humaines, alors vous voyez, ça va très loin. Ce sont que, des choses qui ne se discutent pas très facilement. Et croyez-vous que pour un observateur de vos œuvres plus attentif que nous pouvons l'être, on sentirait percer quelque chose de votre philosophie? Je suis persuadé que tout ce que j'ai à dire est dans mes livres ou sera dans mes livres, mais ce sera toujours indiqué d'une façon tellement noyée, si je puis dire, dans le reste, que les quelques-uns qui veulent le trouver le trouveront, et ceux qui ne veulent pas le trouver ne le trouveront pas. Il y a une conception de l'homme, tout de même, il y a une conception de la vérité humaine, puisque Maigret est un homme qui applique à chaque enquête une certaine doctrine, en somme, sur l'homme. Je crois, et j'essaye toujours de faire l'homme le plus vrai, enfin, dans le sens où je le crois plus vrai, j'essaye d'avancer toujours un tout petit peu plus dans la vérité humaine, en même temps que dans la simplicité des moyens. Au fond, c'est ça, ma grande ambition, c'est d'arriver à rendre de l'homme 100%, ça n'existe pas, si je faisais ça, je serais Dieu le Père, mais enfin, de l'homme, mettons à 90%. Je crois que dans le roman, il y a toujours, dans les personnages de roman, une part d'artificiel qui varie de 10% à 90% selon la qualité du roman ou selon le genre. Eh bien, je suis parti, je ne sais pas à combien, je suis arrivé, je ne sais pas à combien, mais tout ce que j'essaye, c'est de serrer toujours l'homme de plus près, d'aller toujours un petit peu plus au fond, et toujours avec les moyens les plus simples. Si bien que chaque roman serait plutôt qu'un roman, une date de vos œuvres complètes. C'est cela. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il m'arrive souvent, à 5 ans d'intervalle, ou à 6 ans d'intervalle, 10 ans d'intervalle, de reprendre un même thème, presque un même personnage, uniquement parce que j'ai l'impression que je suis devenu capable de le pousser un petit peu plus loin. Et il y a des thèmes que je reprendrai certainement encore dans 10 ou 20 ans, si j'ai la chance de vivre ces années-là. Mais alors, les problèmes que vous vous posez, dont vous ne voulez pas nous parler expressément, problèmes sur la destinée humaine, en gros, ce sont tout de même ces problèmes-là que vous tentez d'exprimer dans votre œuvre. Mais que je tente d'exprimer par des moyens purement humains, si je puis dire, c'est-à-dire non pas par la dialectique, non pas par la philosophie proprement dite, mais simplement en montrant le comportement de l'homme et en le montrant, enfin, si vous voulez, d'une manière intuitive. J'essaye d'exposer mon sentiment de l'humanité d'une façon intuitive. En tout cas, il y a dans votre œuvre certainement une idée d'unité de l'homme, puisque toujours le criminel est en somme à peu près le même que le non-criminel, sauf qu'il s'est trouvé dans des circonstances et des situations différentes. Écoutez, je crois que nous avons tous en nous toutes les possibilités possibles, depuis celle du plus grand criminel ou de la plus grande crapule jusqu'à celle du héros. Nous avons de même que nous avons à peu près tous les microbes dans le corps. Et ça tient certainement peut-être un peu de notre volonté d'être l'un ou l'autre, mais ça tient aussi beaucoup aux circonstances. Excusez-moi si je parais flatteur, j'ai lu par exemple de vos cours d'assises, n'est-ce pas? Oui. J'ai trouvé que c'était un ouvrage, enfin, qui à mon sens était peut-être plus important que L'étranger de Camus, ce que je trouvais merveilleux, n'est-ce pas? C'était que pour vous, enfin, c'était le 200e de votre œuvre. Mais alors, je voulais savoir quelle importance, par exemple, je ne veux pas entrer trop loin en vous, mais quelle importance vous attribuez à cet ouvrage? Certainement beaucoup. C'est un des ouvrages. Écoutez, tous les 5 ou 6 ou 10 romans, ça dépend les époques, il y a ce que j'appellerais pour moi un roman étape. J'ai ainsi comme ça un certain nombre d'étapes, après quoi il y a un palier, et puis de nouveau je repars, je retrouve le moyen d'aller un petit peu plus loin. Et chaque roman qui pour moi marque une étape est un roman que j'aime personnellement. Et le cours d'assises est un de ceux-là. Et serait-il indiscret de vous demander les autres, 2 ou 3 autres? Eh bien, par exemple, Perle en a cité un tout à l'heure qui était Liberty Bar. Oui. Il est évident que dans tous les Maigret, Liberty Bar était le seul qui faisait prévoir ce que j'écrirais par la oui, suite. Oui, c'était n'est-ce extrêmement... pas? Liberty Bar n'était déjà à peu près plus, Maigret n'avait plus aucune importance, ni l'histoire policière, d'ailleurs il n'y en a même pas là-dedans ou à peu près. Liberty Bar était comme ça un roman étape. Peut-être La Maison du Canal après, la telle était aussi, plutôt dans la technique, là, alors. Ça a été le premier roman qui a été fait avec une technique absolument non policière et avec des personnages qui n'avaient presque pas de drame extérieur. Ensuite, ça ne m'est pas facile de les retrouver si je réunisse de mes romans. La Marie du Port. La Marie du Port en a été une, mais pour une autre raison. Gide n'avait pas compris pourquoi j'attachais de l'importance à la Marie du Port, car j'avais fait à la Marie du Port, c'est le seul prière d'inséré que j'avais écrit moi-même et que j'avais signé d'ailleurs, car du moment que j'ai écrit quelque chose, je tiens à le signer. Et Gide me demandait pourquoi attachez-vous de l'importance, et je lui réponds pour une raison purement technique. Dans ce roman-là, le narrateur n'y est pour rien du tout. Il n'y a pas Deus ex machina. Chaque personnage vit sa vie indépendante sans que vraiment l'auteur intervienne à aucun moment. C'était le roman le plus impersonnel que j'ai voulu écrire. Et ça m'intéressait très fort du point de vue technique, ça. D'ailleurs, ça faisait aussi une espèce de ressaut dans vos œuvres, comme le faisait Liberty Bar. Enfin, c'est moi, ça. J'avais eu cette impression quand je l'avais Alors, il y en avait eu un autre avant, et qui, celui-là, a beaucoup d'importance à mes yeux, enfin, auquel j'ai attaché beaucoup d'importance, et en Amérique aussi, d'ailleurs en Angleterre également, moins en France, je ne sais pas pourquoi. C'est L'homme qui regardait passer les trains. L'homme qui regardait passer les trains, pour moi, a vraiment marqué une étape également. D'ailleurs, regardez, il a été suivi presque tout de suite de Bourgmestre de Furn, qui est exactement de la même veine. Il y en a eu 4 ou 5 de la même veine. Et à propos de l'homme qui regardait passer le train, est-ce que c'est un thème chez vous, comme il semble que ce le soit, qui vous hante, que le thème du cache-cache, c'est de la poursuite vraiment d'homme à homme où se mêlent des jeux beaucoup plus psychologiques que policiers. Je pense, je ne me rappelle plus le titre de cette Une nuit de Noël, je crois, une nuit qui se passe au Central Téléphonique. Oui, qui sont en train de tourner à Hollywood. C'est extraordinaire. D'ailleurs. Et je pense à un autre roman aussi, au roman où Maigret va à la coupole surveiller l'étudiant tchécoslovaque. Ce n'est pas tout à fait cela. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est de l'homme seul parmi les hommes. L'homme poursuivi par les autres hommes, ou bien de l'homme en lutte contre les autres hommes. Et ce roman-là, c'est ce que vous appelez probablement cache-cache, représente cela, n'est-ce pas? L'homme qui, à un moment donné de sa vie, pour une raison quelconque, se sent isolé du reste du troupeau, ou se sent en but à l'hostilité du reste du troupeau, ou attaque le reste du troupeau. Mais alors, ce qui est assez extraordinaire dans ce cas-là, c'est qu'alors que vos personnages, la plupart de vos personnages sont, au très beau sens du mot, inconscients, c'est-à-dire que ceux-là prennent soudain une conscience suraiguë de leur c'est situation. C'est ça, fatalement. Avez-vous déjà été en cour d'assises et avez-vous déjà observé longuement la tête d'un assassin qu'on est en train de juger? Eh bien, c'est la chose la plus impressionnante du monde, parce que cet homme-là sait, dès ce moment-là, qu'il n'y a plus de contact possible avec les autres, pas même avec son avocat. On parle un autre langage. Lui a tué, les autres ne l'ont pas fait. Eh bien, dès ce moment, l'importance que ceux qui vont le juger, que ceux qui sont dans la salle attachent à son geste, est tellement disproportionnée d'avec l'importance que celui qui a tué y attache. Il parle donc désormais un autre langage. Il y a une barrière entre eux. Alors, est-ce qu'on peut vous demander ce que vous pensez de la justice? Ça, écoutez, moi je vous répondrai par une parole de l'Évangile. Ce que je crois qu'il y a eu de plus grand dans le Christ, c'est sa parole, tu ne jugeras pas. C'est pourquoi je n'ai jamais jugé personne, c'est pourquoi je plains les juges, parce que si on devait me donner à juger qui que ce soit, je préfère me ficher une balle dans la tête moi-même que de juger un autre humain. Parce que vous ne pensez pas qu'il soit responsable? La notion de responsabilité, vous le savez aussi bien que moi et probablement mieux que moi, a tellement varié selon les époques et les lieux. Ce qu'on considérait comme responsable il y a 50 ans ne l'est plus maintenant. Comment considérera-t-on ce qui est responsable dans 50 ans? Maintenant, vous pouvez appliquer une justice sans juger. C'est cela. J'aime mieux ça. Alors ça, c'est une défense, tout simplement. C'est la défense de la société. Ça, tout à fait d'accord. Alors il faut le faire. Alors là, pas de haine, pas de jugement, d'accord. Vous nous gênez. C'est ennuyeux que vous soyez en train de tuer les gens ou de cambrioler les bijouteries. Nous sommes bien obligés de vous mettre à l'ombre parce que c'est très gênant pour les autres. Ça, tout à fait d'accord. Mais alors cela, sans grand mot, sans grande éloquence, sans aucun jugement, tout à fait d'accord. Est-ce que vous débouchez sur une sorte de philosophie personnelle quand même lorsque vous parlez précisément, excusez le mot très cette espèce de transcendance du meurtrier par rapport à tout ce qui l'entoure? Est-ce que vous croyez que son acte l'a mis dans une sorte d'au-delà? Et est-ce que vous-même, en dehors de vos romans, essayez d'approfondir cette idée? C'est une idée qui m'a toujours hanté. Et j'ai eu justement l'occasion d'interroger assez bien de gens qui avaient tué, assez bien d'assassins, etc. Et j'ai toujours eu l'impression que ça leur avait fait comprendre énormément de choses. Mais est-ce que c'est un au-delà ou un à côté? Ça, alors, c'est une question à laquelle il me serait difficile de répondre. Oui, ce que vous trouvez... Je ne crois pas que ce soit nécessairement un au-delà. Je ne dis pas que parce qu'on est un assassin, on devient tout à coup un homme plus grand que les autres, ni plus intelligent, ni plus compréhensif que les autres. Mais je crois que dès ce moment-là, on sent qu'on n'est plus comme les autres, et que le fait de n'être plus comme les autres vous fait regarder soudain les autres avec des yeux tellement différents qu'il y a tout de même une certaine transcendance. Mais est-ce que vous croyez que l'essentiel pour l'assassin, c'est ce sentiment de solitude parce qu'il est séparé des autres par son acte, ou que c'est le sentiment d'une fatalité, d'un destin particulier qui s'est appliqué à lui? Je crois que c'est le fait de se sentir différent des autres. Je crois d'ailleurs que le drame de la plupart des hommes qui ont un drame, c'est de ne pas se sentir à un moment donné comme les autres, ou de se sentir inférieur aux autres, ou de ne pas se sentir identique aux autres. C'est une des grosses questions. Et vous croyez, en somme, si j'ai compris ce que vous dites, que l'origine de cet isolement du criminel, c'est qu'un de ses actes, qui pour lui se situe dans la continuité de sa vie personnelle, entre la scène qu'il a eue avec sa maîtresse et puis la visite qu'il fera à un copain, pour les autres, prend une proportion qui l'émerveille lui-même. Cinq minutes avant, il faisait partie du troupeau, cinq minutes après, il est en dehors. Oui, il y a eu un petit acte qui pour lui a été pressé la gâchette, vous savez... Quelquefois même inconscient, cinq minutes après, c'est fini. Il n'est plus du tout dans la norme humaine, il est un être à part. Pour vous, donc sûrement pas pour vous, simplement un à côté social. Non. Mais pourtant, dans la plupart de vos personnages, ces actes viennent de très loin. Toujours, je crois. Je crois qu'il y a peu d'actes que nous posions qui ne viennent pas de très loin, soit à notre insu, soit consciemment. J'ai l'impression que... Je ne sais plus qui a écrit, d'ailleurs je crois que plusieurs l'ont écrit, qu'à l'âge de 17 ou 18 ans, les médecins sont d'ailleurs d'accord là-dessus, nous avons à peu près acquis tout ce que nous pourrons acquérir. Le reste de notre vie, nous ne faisons que mûrir notre acquis et que le rendre, que nous en servir. Par conséquent, il y a très peu d'actes que nous posions qui n'aient leur source dans notre enfance et même souvent dans notre petite enfance. Je ne fais pas ici de freudisme du tout. D'ailleurs, je ne crois pas au freudisme en tant que, que philosophie. Je ne crois d'ailleurs pas en Freud. Je crois que Dostoïevski avait créé Freud bien avant Freud. Il n'a fait que mettre en règle et en bouquins très indigestes des choses qui étaient déjà dans des bouquins géniaux. Mais je suis persuadé que notre enfance nous poursuit toute notre vie. Vous croyez à la totalité de la personne? Je crois. Mais alors, est-ce que vous n'êtes pas gêné un petit peu? C'est ce qui m'a semblé, je m'en excuse, lorsque vous traitez précisément des personnes dont on ne peut pas croire à la totalité. Je prends un exemple, emprunté à un de vos ouvrages américains, Maigret chez le coroner, où vraiment le meurtre est tellement accidentel, vous ne paraissez pas à votre aise. Oui, mais je vous dirais que ce sont des romans que je considère exactement, nous parlions de peinture tout à l'heure, comme des croquis. Un peintre qui vient de finir une grande toile très fatigante va s'amuser à faire un vase de fleurs ou à faire une aquarelle de ce qu'il voit par sa fenêtre. Oui. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi la critique littéraire n'accepte pas ce genre d'œuvre. La critique littéraire a l'air de vouloir qu'un romancier n'écrive que des romans d'un genre déterminé. Vous n'avez vu aucun peintre dans l'histoire de la peinture qui ne se soit amusé à un moment donné à faire une gouache, à faire une aquarelle, à faire un croquis, même quelquefois sur un bout de papier. Eh bien, ces œuvres-là, comme Maigret chez le coroner, sont pour moi un repos, sont pour moi un petit exercice à part. Est-ce que vous ne vous sentez pas gêné ou devant être gêné par des romans qui se passeraient dans les civilisations où la totalité de la personne risque d'être beaucoup moins organisée que mécanisée? Certainement, certainement. Vous nous avez parlé des étapes de votre carrière de romancier. Est-ce que je pourrais vous demander s'il y a aussi dans votre vie des étapes, autrement dit, si vous avez beaucoup changé? Je ne crois pas. Je vous dirais, ça a l'air prétentieux de dire ça, je vous en demande pardon, mais j'ai vraiment eu l'intuition de toute ma vie dès l'âge de 16 ans. J'avais d'ailleurs ici, il y a quelques jours, mon ami Mourmans, qui était à la Gazette de Liège avec moi, lorsque j'y ai débuté, exactement à l'âge de 16 ans, il y est toujours, lui, et... Il a surpris et ma femme et les journalistes en leur disant qu'à 16 ans, j'avais exactement prévu ce que je ferais. Il dit que ça paraissait une galéjade, on riait de lui parce que ça paraissait tellement étonnant. Et non, seulement je savais que j'irais tout doucement. J'ai toujours su, par exemple, j'ai toujours su que je n'écrirais pas mes premiers romans avant l'âge de 30 ans, parce que j'ai toujours eu un grand respect pour le roman. Je me suis toujours dit que ça demandait une très grande maturité, une très grande connaissance, etc. Quand j'ai eu 30 ans, je venais de faire les Maigret, je me suis dit, mon premier vrai roman, je crois que je le ferai à 40. Et quand j'ai eu à 40, j'ai dit, bon, jusque 50 ans, je peux encore faire des essais. À 50, on fera vraiment le premier grand roman. J'ai 49 ans, et je me demande maintenant s'il ne faut pas remettre à 60 ans une œuvre un petit peu plus lourde et plus importante. faut pas remettre toujours quand même. Vous avez mûri jusqu'à 30 ans. Avez-vous mûri systématiquement? En sachant que vous mûrissiez. Non. Je ne fais jamais rien de préconçu dans la vie. J'avais un plan d'ensemble, mais alors après, je me laisse aller absolument librement, de même que dans un roman, je travaille sans plan et que chaque jour, j'écris ce qui me passe par disons la tête. Que... Je me suis amusé dans la vie, exactement comme tout le monde. Lorsque j'ai eu un peu d'argent, je me suis acheté un bateau parce que j'avais envie d'aller en bateau. Lorsque j'ai pu aller en Afrique, je suis allé en Afrique. Enfin, j'ai fait le petit fou, exactement comme tout le monde. Mais vous aviez à 16 ans un plan. Est-ce que... Il n'est pas né comme ça entre la 15e et la 16e année. Comment est-ce venu? Eh bien, tout jeune, j'avais l'idée d'écrire, et au point que quand j'avais 12 ans, je voulais être prêtre officier, parce que j'imaginais qu'avec ces deux métiers-là qui donnaient assez de loisirs pour pouvoir écrire, j'ai supprimé ces deux professions par la suite. Et lorsque j'ai su d'ailleurs qu'on pouvait gagner sa vie en écrivant, j'ai écrit des romans populaires en sachant que j'aurais pu, au lieu d'écrire des romans populaires, écrire pour des revues d'avant-garde, etc. Je me suis dit, ce n'est pas le bon moyen. Il faut d'abord apprendre la technique. J'ai donc écrit des romans populaires uniquement pour apprendre la technique, pour travailler déjà la matière, la pâte, n'est-ce pas, à roman. Si mauvais qu'il soit, c'était tout de même de la pâte à roman. Et comment vous est venue cette envie d'écrire? Vous ne vous rappelez pas ça? Ça, je ne peux pas savoir. Ça serait bien difficile. Probablement, à vous il dire. L'a toujours eu. Je ne peux pas remonter. Sérieusement, aussi loin que je remonte, d'ailleurs, lorsque j'étais à l'école, c'est assez curieux, mais mes professeurs acceptaient que les compositions françaises, au lieu de les faire sur le sujet voulu, qui était généralement le printemps, la Toussaint, vous savez, les événements habituels, on me laissait choisir mes sujets. Et il m'arrivait déjà d'écrire des sortes de petits contes sur les sujets les plus biscornus. Non, mais c'est vous qui avez parlé il y a un instant de la 12e année. Est-ce que cela représente pour vous quelque chose d'important ou un souvenir particulier? Oui, la 12e année, c'est donc la fin de mon école primaire. C'est le moment où je suis entré au collège et c'est le moment aussi où j'ai commencé à me rendre compte que les femmes existaient. Et ça a beaucoup changé ma vie. À 12 ans? Oui, 12 ans et demi exactement. Vous ne le saviez pas avant? Nous ne vantons pas. Non, avant j'étais d'une pureté et d'un mysticisme total. Vous avez commencé par le mysticisme? Tout à fait. Oui. Je me roulais dans l'herbe et dans les fleurs avant de faire ma première communion avec de véritables extases. Si on considère que tout de même votre œuvre actuelle contient un sens de l'homme et une image assez précise et assez sensible de l'homme, si on considère qu'il y a un admirable style et qu'il y a une très grande présence poétique, qu'est-ce que vous voudriez dire de plus dans le grand roman que vous n'avez pas encore écrit et que vous rêvez d'écrire? Eh bien voici, à mon sens, il y a plusieurs... je ne dirais pas technique, mais plusieurs grands thèmes de romans qui ont d'ailleurs varié selon les écoles. Nous avons eu, par exemple, avec Balzac, l'homme contre l'homme. J'appellerais ça l'homme contre les hommes. Les romans de Balzac, ce sont des passions qui s'affrontent, donc ce sont des individus qui s'affrontent avec des passions différentes. Nous avons eu ensuite, dans le roman d'introspection, l'homme contre soi-même, si je puis dire. Je dirais que Gide, par exemple, est dans ce genre, n'est-ce pas? C'est surtout la lutte de l'homme contre lui-même. Benjamin Constant. C'est cela. Et enfin, il y en a une troisième, qui est celle de la tragédie antique, et celle que je voudrais retrouver, c'est celle que j'appellerais le roman pur, vers lequel je crois que nous marchons, c'est l'homme contre le destin. C'est la lutte de l'homme avec le destin. C'est en même temps, évidemment, nous rejoignons les deux autres également. Mais enfin, le personnage principal devient l'homme et les deux personnages principaux deviennent l'homme et le destin. Les comparses autour deviennent moins graves. Et c'est, je crois, vers là que en tout cas, que le roman américain marche maintenant. Je ne sais pas exactement où va le roman français. On va vers un roman qui serait davantage la tragédie en prose, si je puis dire, que la longue exploration de l'homme au fur et à mesure des étapes de sa vie. J'appellerais ça aussi, si on veut, le roman pointe, c'est-à-dire qu'on prend l'homme au moment de crise, comme dans la tragédie toujours, où en quelques heures, tout ce qui a amené la crise, tout ce qui a été son passé, se condense, prend son importance, et où par conséquent également tout l'avenir se joue. Mais n'est-ce t'espère... pas exactement ce que vous avez écrit? Il vous semble simplement que ce sont des expressions encore mineures, car oui, au fond... Oui, j'ai l'impression que je ne suis pas encore arrivé à donner cette crise humaine avec toute son intensité et surtout avec toute sa simplicité. Et vous ne croyez pas que la différence est aussi dans le rapport entre le roman et le romancier, qu'il peut être ou bien plus périphérique ou bien plus proche de lui-même, et que peut-être ce que vous avez, c'est que vous n'avez pas encore fait le roman qui soit le plus proche de vous, ou par exemple les questions que vous ne voulez pas exposer, oui, précisément s'expriment. Là, ça, votre question me gêne un petit peu, parce que j'ai l'impression que depuis peut-être 2 ou 3 ans, je commence tout de même à glisser dans mes romans certaines préoccupations qui ne seraient pas nécessairement les préoccupations de mes personnages. Mais ce que j'espère, c'est d'éviter de jamais me mettre moi-même, enfin mettre carrément, nettement et consciemment mes préoccupations dans mes personnages. Si ça se fait inconsciemment, d'accord, mais si je dois le faire exprès, non. Oui, mais j'en résiste absolument contre cette tendance. Je voudrais compléter d'un mot la question d'Emmanuel Berle. Est-ce que, au fond, puisque vous nous avez dit tout à l'heure ou laissé entendre que chacun de vos romans était à la vérité un moment de vous-même, c'est-à-dire qu'il fallait considérer votre œuvre comme un ensemble de journal, est-ce que finalement le roman que vous n'avez pas écrit n'est-il pas dans votre vie, c'est-à-dire au fond le roman de Georges Simenon et la lutte de Georges Simenon contre le destin d'écrivain? Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai besoin, en tout cas, si vous préférez cette explication, je ne sais pas si elle est bien juste, j'ai besoin, si vous voulez alors pour me comprendre ou pour savoir où je vais, de le savoir par personne interposée, autrement dit par des personnages de romans. Mais ces personnages de romans, je les crée aussi peu que possible à mon image et à ma ressemblance, si je puis dire. Il faut que je suive des personnages totalement différents et qui ont vraiment leurs préoccupations à eux, qui ont vraiment leur personnalité à eux, leur vie à eux. Peut-être à ce moment-là glissent-ils, comme je vous dis, certaines de mes préoccupations ou de mes angoisses, mais c'est absolument inconscient. Si c'était conscient, je crois que j'écrirais des romans que je n'aimerais pas du tout. Vous permettez une objection éventuelle. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore un destin de l'homme? Je crois. Parce que vous me parlez des tragiques grecs, de la tragédie grecque, c'était à une pointe, à une fleur de culture qui était encore très jeune et très vigoureuse. Et nous, est-ce que nous n'avons pas eu déjà notre destin et nos libérations? Je ne crois pas. Je crois qu'à toutes les époques, l'homme garde sa même importance et vis-à-vis de lui-même et de l'absolu. Et je ne crois pas du tout à l'étouffement de l'homme par la masse, etc. Je crois que ça, ce sont des idées que l'on se fait sur le moment même. Je crois qu'à toutes les époques, on a eu la même impression. Regardez, la civilisation semble tout de même les toutes premières parties d'Orient, et au fur et à mesure qu'elles sont venues vers l'Occident, on a dit, oh, ça devient barbare, ça devient commercial, ça devient absolument uniquement matérialiste, etc. Les Chinois, il y a quelques années, nous considéraient encore comme d'affreux matérialistes, comme maintenant on considère d'autres peuples de France, on considère d'autres peuples comme matérialistes. Je crois que le monde ne devient pas plus matérialiste ni rien, il y a seulement d'autres moyens d'exprimer sa sensibilité et ses préoccupations. Non, c'est ce que je pensais, moi je reprends petite allez, idée, n'est-ce pas ? Ce que je pensais, c'est que au lieu de partir, comme vous êtes presque toujours parti, d'un paysage. Oui. On peut imaginer que vous partiez de quelque chose de plus profondément simenonien, qui soit un espèce de souvenir d'enfance ou d'état personnel, qui soit moins lié à un lieu. Ça, alors, c'est inconscient. Ça se fait à mon insu ensuite. Lorsque je commence un roman, je suis parfaitement impersonnel et j'ai mes personnages qui sont bien distincts, qui sont absolument en dehors de moi. Maintenant, ce que je peux y mettre par la suite, je vous jure, c'est tout à fait inconscient. Oui, vous savez la façon dont je travaille. Je commence un roman sans savoir du tout où j'irai. Je prends des hommes. Puis je me dis, bon, quel est l'événement qui est le plus susceptible de les pousser jusqu'au bout d'eux-mêmes? Nous sommes cinq ici. Il est évident que si en sortant, un événement fortuit nous mettait dans l'obligation d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes, il y en a de nous qui deviendraient probablement des héros, d'autres qui deviendraient peut-être le contraire. Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver. N'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends des personnages dans la rue, et puis je les mets devant une situation d'eux qui, je sais, va les obliger à aller au maximum d'eux-mêmes, c'est tout. Oui, mais donc, c'est tout ce qui entre là-dedans n'a rien à voir avec moi. Ce que je peux y mettre, c'est parfaitement inconscient. Oui, mais c'est-à-dire que nous cherchions, n'est-ce pas, avec vous, la différence entre le roman que vous remettez d'écrire et les romans que vous écrivez. Je vous comprends très bien. Je sens très bien où vous voulez m'acculer, mais je n'y arrive pas à vous répondre. Parce que si j'étais conscient assez pour pouvoir vous répondre d'une façon pertinente et d'une façon honnête, je crois que je serais incapable d'écrire mes romans. À ce moment-là, au lieu d'écrire des romans, j'écrirais un essai, n'est-ce pas, qui serait peut-être... et quant au détour d'une page 150, vous vous retrouvez vous-même, si par exemple... Je ne m'en rends pas compte. Je ne m'en rends compte que quand je lis les critiques. Oui. Est-ce que vous pensez quelquefois à la mort? Très peu. Très peu. Je ne parle pas de la mort en général, je parle de votre mort. Ben, vous savez, je la vois comme l'aboutissement fatalement de tout. C'est l'aboutissement aussi de la tragédie grecque, vous savez. Oui, c'est posé toujours 4 ans de mort dans mes romans, puisque tout finit par là. Mais enfin, je ne lui attache aucune importance. Gide, par exemple, y attache une très grande importance, Dose aussi, moi pas du tout. Elle ne tient aucune place dans mes préoccupations. Oui, ça n'est pas une source d'angoisse. La maladie, oui. N'est-ce pas? La maladie est une chose beaucoup plus grave parce qu'elle amoindrit l'homme, elle risque de l'amoindrir pendant des années, c'est une chose atroce. Mais la mort en elle-même n'a aucune importance. Et le vieillissement? Enfin, c'est une espèce foi, de maladie. Ne me posez pas cette question-là, parce que j'ai 49 ans et je vais m'y remettre encore au plus loin possible, le temps d'y penser. Mais puisque nous abordons alors tout de même les problèmes qui vous sont personnels en dehors de vos romans, est-ce que vous êtes, par exemple, superstitieux? Non, pas dans l'ensemble de la vie. J'ai des superstitions, mais alors des superstitions plus ou moins amusantes auxquelles je ne crois pas. Vous savez, ce sont des petits... Par exemple, lorsque j'écris mon plan de roman, un plan de roman, ça consiste simplement à écrire le nom des personnages, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur âge, le nom de leur grand-père, de leur grand-mère, etc. Donc, c'est uniquement ça. Eh bien, je l'écris toujours sur une enveloppe jaune, double format, c'est-à-dire format commercial, régulièrement. Je ne l'ai jamais écrit sur autre chose. Je ne sais pas pourquoi j'aurais l'impression que mon roman ne marcherait pas aussi bien si je ne l'écrivais pas. Mais enfin, ce n'est pas une superstition. Mon Dieu, je suis né un vendredi 13. Ça me fait plaisir. Je considère que le 13, c'est un jour. Mais enfin, ce n'est pas parce que je prends un 13 des billets de la tombola que je gagne. Je n'ai aucune... Mais vous n'avez aucun fétichisme, aucun attachement à des objets? Non, non. Sauf ce que je vous dis, cette petite histoire de l'enveloppe jaune. En dehors de ça, non. Mais ça, c'est pas une superstition. Non, c'est presque une habitude. C'est une manie, plutôt. Oui. C'est une manie. Et les rapports, vous parlez de paysage comme point de départ et du destin comme point d'arrivée. Oui. Et les rapports entre les deux. C'est juste, c'est assez frappant ce que vous dites là, je n'y avais jamais pensé. Et les rapports entre les deux? Ça, alors... C'est vous autres que ça regarde, ça, vous comprenez? Vous essayerons. Vous êtes des gens intelligents, tandis que moi, je suis un intuitif, je suis un homme qui écrit des romans. Vous autres, vous êtes des gens qui sont capables d'analyser ça. Alors, analysez, messieurs, c'est à vous, Alfred. Est-ce que vous êtes préoccupé, en dehors des problèmes de destin, des problèmes sociaux? Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est très curieux d'écrire une si grande fresque et d'avouer qu'on ne s'est pas occupé des problèmes sociaux. Pas du tout. C'est le seul problème social qui m'intéresse, si je puis dire, c'est celui de l'homme vis-à-vis de la masse. Mais la masse, peu importe comment vous l'appelez, peu importe les partis, peu importe son destin, c'est uniquement la question vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la masse, comme nous l'avons dit. Je pense que, d'ailleurs, les questions sociales ne peuvent pas avoir une énorme importance pour quelqu'un comme Simenon, qui voit toujours l'homme un. Exactement. Comme ça se passera de la même chose, s'il est riche ou pauvre, s'il est faible ou pauvre. Comme ceux qui s'acharnent à en chercher chez Dostoïevski, par exemple. C'est la même raison pour laquelle je suis dans tous les pays chez moi. Enfin, j'en ai l'impression. Je ne regarde pas la différence entre les hommes, je regarde les ressemblances. En réalité, je pourrais aussi donner une petite comparaison, qui n'est pas tout à fait juste, mais enfin, et puis qui peut avoir l'air prétentieuse. Il y a les romans de l'homme habillé et il y a les romans de l'homme tout nu. Eh bien, j'essaye d'écrire des romans de l'homme tout nu. Bourget, par exemple, pour prendre quelqu'un dont on veut parler, écrivait l'homme habillé. Oui. Il est évident que sans sa jaquette, il ne pouvait pas avoir les mêmes réactions. S'il n'appartenait pas au Jockey Club, il n'avait pas le même... c'était pas le même homme. Eh bien, j'essaye de faire des romans de l'homme tout nu, et peu importe s'il est en Amérique, en Belgique ou ici. Ça, c'est Maigret. Ce sera tout le même l'homme. C'est presque la définition de Maigret, de prendre le banquier comme le concierge et le concierge comme le banquier. C'est exact. C'est ce que j'essaye également de faire. Mais ça aussi, je n'y suis pas encore arrivé, d'ailleurs. Pas au point où je veux le faire, non? Mais vous me dites que vous ne vous intéressez pas à la vie sociale et vous vous intéressez à l'histoire. À l'histoire, oui, mais pas à l'histoire des masses, pas à l'histoire des peuples, uniquement aux biographies. Je m'intéresse uniquement aux vies historiques, vous comprenez, au rôle de chaque individu dans une époque. Et vous croyez qu'elle aurait été la même à une autre époque? J'en suis persuadé. Je crois qu'un individu à n'importe quelle époque, je crois que tout ça, ce sont des questions de subtilité, aurait à peu près les mêmes réactions et aurait à peu près le même destin. Il est évident que des individus qui ont un caractère d'eux, qui coïncidaient avec une époque ayant le même caractère, ont eu plus de succès dans cette époque-là qu'ils n'en auraient dans une époque du caractère contraire, n'est-ce pas? Mais enfin... Opportunités, tout de même. Et il y a les opportunités, ça, bien entendu. Mais enfin, tout de même, je crois que l'homme est un tout en lui-même et qui, à peu près partout, garde la même valeur. Je crois qu'il y a tout de même, à certains moments, de grands courants affectifs entre les époques et qu'il y a, par exemple, des époques de calme et des époques où on connaît la peur. Oui, croyez-vous qu'on n'ait pas toujours connu la peur? Je crois que c'est le sentiment humain le plus général et qui date depuis que le monde est monde. Vous n'avez qu'à lire. Écoutez, c'est une chose bien simple. Avez-vous déjà eu la curiosité de relire des recueils de chansons d'enfants, de berceuses, de chansons de nourrices? Toutes sont à base de terreur. C'est un triomphe du sadisme, ça, c'est évidemment. Elles sont toutes à base de terreur. Autrement dit, dès que nous sommes des bébés, on est en train de jouer avec notre terreur. Et le premier sentiment qu'a l'enfant, c'est la peur. La peur qu'on ne lui donne pas le sein à temps. La peur qu'on l'oublie dans son lit. Je crois que la peur est un sentiment de toutes les époques. Je crois aussi, ni au progrès, ni aux décadences. Je ne crois pas. Non. Nous revenons par là à ce dont vous parliez. Éternitaire. Nous revenons à ce dont vous parliez au début de notre entretien, à savoir de l'enfance, c'est-à-dire de vos enfants. Est-ce que l'on peut vous demander ce que vous désirez pour vos enfants, ce que vous essayez de leur inculquer, comment vous cherchez à lutter contre cette peur dont vous venez de parler, c'est cela. Et si vous avez Vous vous laissez aller seulement à votre intuition paternelle ou si vous avez des règles de conduite? Eh bien, j'ai tout de même certaines règles. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes. C'est un essai que je fais. Les nénas de 13 ans, je ne peux pas encore en juger. Ce que je veux d'abord, c'est avoir des enfants qui n'aient pas peur de leur ombre. N'est-ce pas? Autrement dit, des enfants qui n'aient pas de complexe, qui n'aient pas d'arrière-pensée en rien. C'est ainsi que tout de récemment, le curé de la paroisse est venu me demander s'il pouvait faire la première communion à mon aîné. Je lui dis tout à fait d'accord, à une seule condition. C'est qu'il ne soit question ni d'enfer ni de péché. Si vous me donnez votre parole que vous ne parlerez ni d'enfer ni de péché, vous pouvez lui faire faire sa communion. Il a accepté d'ailleurs. C'est un Irlandais, alors mon fils est en train de faire sa première communion, mais sans que le mot enfer ni péché soit prononcé. Eh bien, toute son enfance, et comme celle de l'autre aussi, je le fais dans le même sens. Jamais on n'a le droit de dire à l'enfant, attention, ceci brûle, ceci fait mal, ceci fait cela. Non, qu'il l'essaye tranquillement lui-même. Jamais on ne pousse un cri. Si on se blesse, on ne dit pas, mon pauvre petit, tu t'es fait mal. Tout se fait aussi doucement que possible, sans interdiction, sans rien de tout ça. Vous voulez des enfants dont vous ne voudriez pas pour personnage? Justement, je voudrais que mes enfants ne soient pas possibles comme personnage. Ouais. Ça, c'est exact, j'essaie. Et alors, quoi qu'ils fassent plus tard, du moment qu'ils le fassent avec joie, ce sera la plus grande chose, n'est-ce pas? S'ils veulent devenir fermiers, s'ils veulent devenir tout ce qu'ils voudront, d'accord. C'est entre Candide et Émile, ça. Oui, mais peut-être avec beaucoup moins de... Je ne dirais pas de prétention, mais avec beaucoup moins d'idées préconçues. C'est-à-dire que j'essaye tout simplement d'en faire des hommes plus ou moins heureux, des hommes sains, et aussi bien moralement que physiquement. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous aviez cette préoccupation de leur éviter la peur? Peut-être parce que je l'ai beaucoup connu. C'est ce que je pensais. Alors, oui. Est-ce que je peux vous demander dans quelles circonstances vous avez connu cette peur? Mais je l'ai connue toute ma vie. La peur d'être inférieur à moi-même, la peur d'être inférieur aux autres, la peur d'être inférieur au destin, la peur de tout. Vous nous parliez tout à l'heure dans votre petite enfance de vos crises mystiques allant jusqu'à l'extase. Oui. C'est à cette époque qu'ont dû commencer vos craintes alors. Probablement. Est-ce qu'on vous a fait beaucoup peur avec l'enfer et les péchés? Mais j'ai été élevé par une mère qui était ce genre de catholique et qui ne voit dans la religion que le tout petit côté, n'est-ce pas, les premiers principes, si je puis dire, alors qu'il toute la journée il me faisait peur de tout, attention, ceci est défendu, attention, tu vas devoir aller te confesser ou tu iras en enfer. Je me souviens quand j'ai fait ma première communion privée, j'avais 6 ans, elle m'avait dit, tu sais, le jour de ta communion, tu es obligé, comme tout le monde, de venir demander pardon à ton père et à ta mère de tout ce que tu leur as fait jusque-là. J'avais 6 ans, vous imaginez. Or, j'avais déjà une certaine petite volonté, ou peut-être une certaine honte, je ne l'ai pas fait. Et en allant à l'église, elle m'a dit, tu te rends compte, ta première communion est gâchée. Tu n'as pas demandé pardon à ton père et à ta mère. Voilà ce genre de choses que je considère comme monstrueuses, n'est-ce pas? Ça m'a en effet gâché, et ça m'a gâché plusieurs années, car pendant plusieurs années, je me suis dit, je suis un monstre, je n'ai pas demandé pardon à mon père et à ma mère. L'ennui, c'est que ça n'est pas mal réussi, n'est-ce pas? est-ce que vous avez le sentiment que, dans votre œuvre, vous faites également, plus ou moins consciemment, cet effort que vous faites vis-à-vis de vos enfants, à savoir d'essayer de dégager les gens de cette terreur? C'est exact. C'est d'ailleurs pourquoi je discutais l'autre jour, je ne sais plus avec quel journaliste, mais qui me posait la question, qui me disait, mais votre œuvre est pessimiste, etc. Je lui disais, je ne crois pas, je crois plutôt qu'elle doit donner aux gens le goût de la vie. Parce que, d'abord, j'essaye de les dégager un peu de leur terreur, car une fois qu'on les a sentis chez quelqu'un d'autre, qu'on les a vus bien exposés, on ne les a plus soi-même, on en est débarrassé. Et puis deuxièmement, j'ai l'impression aussi que je leur donne le goût des petites joies simples de la vie. On a parlé de la pluie. Bon, eh bien, cette fameuse pluie, sinon, je crois que ça a donné à bien des gens le goût de la pluie. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que c'était pas si désagréable que ça. Quand Maigret boit un verre de bière, je suis sûr que j'ai beaucoup de lecteurs qui tout à coup se disent « Mais c'est que c'est vrai que c'est bon un verre de bière pris dans un petit bistrot » et qui vont à un petit bistrot pour savourer un verre de bière. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois donner le goût des toutes petites joies de la vie. Je crois même que vous leur avez fait un peu plus, parce que justement cette humanisation du crime peut diminuer la terreur du crime, la terreur du risque, la terreur du péché. Puisqu'on s'aperçoit qu'après tout, ils sont à peu près comme les autres. Je n'avais d'ailleurs jamais pensé à ce que vous venez de dire, la similitude entre ce que je fais dans mes romans et ce que je fais avec mes enfants, mais ça me frappe très fort, il faudra que j'y repense. Enfin, moi, je suis d'esprit lent, alors, mais dans 2-3 jours, j'aurai compris et je serai en plein là-dedans. Encore une question, si vous voulez bien, car vous nous avez parlé de votre sentiment. Je crois que j'ai parlé beaucoup, j'ai jamais tant parlé moi de ma vie. Lorsque vous aviez 16 ans, vous aviez votre plan tout fait pour votre existence. Lorsque vous avez 12 ans et demi, vous faites la découverte des femmes. Lorsque vous avez 6 ans, vous faites Et du péché, par conséquent. Et du péché. Car c'était le péché. Bon. Et probablement que s'il n'y avait pas eu le péché, je ne me serais pas occupé des femmes tout de suite. À 6 ans, il y a cette aventure dont vous venez de nous parler. Qu'est-ce qui s'est passé entre 6 et 12 ans? Est-ce que ce n'est pas le moment où vous avez eu l'envie, justement, de lutter contre cette terreur? De cette époque-là, alors je ne peux presque rien vous dire, parce que c'était peut-être l'époque la moins consciente de ma vie. Je me souviens mieux de mes impressions d'avant 6 ans et de mes impressions d'après 12 ans, mais entre 6 et 12, je ne crois pas. Je crois au contraire, voilà, j'étais chez les frères qui ont également ce même genre d'éducation que celle que ma mère me donnait, c'est-à-dire tout à fait rigide et sans aucune humanité proprement dite. Et je me suis laissé faire, j'ai été le petit élève modèle, j'ai été celui qui faisait exactement ce qu'on demandait, qui poussait la sonnette pour la récréation, qui avait la clé du robinet pour les autres. J'étais un être absolument neutre, j'étais devenu une petite mécanique, et on se disait, j'étais le premier de classe bien entendu, et on se disait que j'allais faire un parfait employé de banque. C'était tout à fait, je crois que ça a été l'époque conventionnelle de remarquez, ma vie. Remarquez, comme vous avez été un peu dur tout à l'heure pour Freud, je vous ferai remarquer que cette espèce de nuit, d'oubli entre la 6e et la 12e année, il en parle. Je sais. Mais vous savez, Berl, je ne suis pas dur pour Freud. Je le considère, je suis dur pour ses suiveurs. Oui. C'est-à-dire que je pense ceci. Toutes ces grandes découvertes, enfin tous ces mouvements d'idées, partent généralement de l'intuition, donc sont faites par des artistes. Mais le savant, lui, ne fait ensuite qu'en tirer des règles. Et je suis dur pour ceux qui, maintenant, écrivent des romans d'après Freud. Ah oui, ou bien règlent leur vie d'après Freud. C'est en ça que je suis dur. Mais lui, en lui-même, a été un très grand bonhomme, mais malheureusement, il a des milliers de disciples. Et malheureusement, il y a maintenant en Amérique 25 000 psychanalystes. Mais c'est alors, ça, c'est ça, c'est contre cela que je lutte, vous comprenez? Alors, c'est ça que je dis, c'est Dostoïevski qui a crié. Ça, sans Freud, ça aurait tout le même existé, mais il n'y aurait pas les psychanalystes. C'est vrai. Ce qui vaudrait mieux. Puis-je vous poser une grande question à tout hasard? Oui. Selon vous, d'où vient le mal? Je veux dire, d'après votre personne et l'ensemble de votre œuvre. De l'idée que nous nous en faisons. Donc, le mal n'a pas d'existence en lui-même? Non, je n'y crois pas, justement. Je crois justement que l'homme peut s'en délivrer. C'est peut-être pour ça l'effort que je fais toujours pour délivrer l'homme du mal. Je ne crois pas à ce qu'on appelle le péché originel. Il vient d'une hantise que nous avons. Peut-être nous a-t-on mis l'intelligence en trop. Si l'homme n'avait été qu'intuitif, il n'aurait jamais eu l'idée du mal. Peut-être que cette fameuse punition à la sortie du paradis terrestre, c'était uniquement de nous avoir fichu l'intelligence en plus. C'est-à-dire, je crois qu'il vient de notre intelligence. Le mal, ce serait la curiosité de l'envers de nos actes. C'est cela, je pense. Quel est votre plus ancien souvenir, à part le paradis terrestre? Ça, c'est vraiment dit. Alors là, je n'en ai pas vraiment. Après le déluge, voyons. Non, parce que vous nous avez dit que vous aviez des souvenirs antérieurs à l'âge de 6 ans. Alors, est-ce qu'il y en a qui marquent? Oh oui, beaucoup. Et alors, des souvenirs très voluptueux, justement, que je rappelle, qu'on retrouve souvent dans mes livres. Par exemple, j'allais au marché tous les matins avec ma mère. Il y a un très beau marché à Liège, le long de la Meuse. Alors, on était parmi les fleurs, parmi les monceaux de légumes, parmi les monceaux de fruits, etc. Voilà une sensation que j'ai souvent retrouvée. Vous retrouverez beaucoup de marchés dans mes romans. D'ailleurs, quand j'arrive dans une petite ville, la première chose que je fais, c'est d'aller voir le marché local. C'était d'aller chez les bouchers avec elle partout, d'aller acheter le beurre, l'odeur des crèmeries, l'odeur des magasins. Et ça m'est tellement resté que maintenant encore, c'est moi qui fais le marché le plus souvent, parce que j'adore aller faire le marché. J'adore aller tripoter les légumes, aller tripoter les poissons. L'enfant Simenon se promenait tous les matins avec sa mère parmi les fleurs et les légumes, près des étals de poissons et de viande, et sans doute à la hauteur de ces étals, émerveillé de tant de couleurs, enivré de tant d'odeurs, dans l'admiration de cette nature si richement offerte à sa sensibilité. Comment s'étonner qu'il parte toujours d'un paysage pour construire un roman? Tout se passe comme si Georges Simenon, devant sa feuille blanche, repartait toujours du même début qui est le sien. Et cette extraordinaire fertilité, cette fécondité, pourrait-on dire, en faisant encore un rapprochement avec la mère nature, n'est-elle pas aussi le signe d'une constante ardeur à recommencer? Georges Simenon nous a expliqué qu'il voulait toujours pousser ses personnages jusqu'au bout d'eux-mêmes. Mais c'est lui qu'il veut d'abord et surtout pousser jusqu'au bout de lui-même. Et à chaque œuvre, il se reprend du début. À la fin, il bute toujours sur la mort. Il n'a pas été jusqu'au bout. Il recommence. Je suis frappé encore de deux choses. D'abord de son idée de l'homme nu, effort de dépouillement peut-être. Mais il y a un lien avec ma seconde remarque. La constante référence à son intuition et du même coup sa sainte fureur contre Freud. Tout se passe comme s'il avait une vive notion de ce qui existe dans les profondeurs de son inconscient et comme s'il se hérissait à l'idée d'une exploration de cet enfer. Nous avons parlé de cette nuit qui s'étend de sa 6e à sa 12e année. C'est là sans doute qu'on trouverait le secret de ses terreurs, de ses pudeurs, de ses tendances les plus profondes. Simenon part du paysage. Il est parti de l'étude technique du métier. Il ne parle que de ses personnages. En somme, il part toujours de l'extérieur. Et cependant, c'est le fond seul qui l'intéresse et l'attire. En même temps, contradictoirement, cet intuitif règle sa vie à 16 ans et se conforme à son plan. C'est sans doute là le secret de sa réussite. Il a pris, au début de son existence, une décision conforme à sa destinée intérieure. Et cette concordance entre son effort conscient et son psychisme inconscient, cette conjugaison d'efforts, l'un volontaire et l'autre déterminé, ne peuvent donner que de merveilleux résultats. Le plus admirable, sans doute, sera de conduire Georges Simenon jusqu'à ce roman important qu'il repousse de 10 ans en 10 ans. L'œuvre surgira un jour du gouffre vers lequel l'auteur marche avec décision et horreur dans une espèce de vertige optimiste, car il sait ou il sent d'où viennent ces terreurs qu'il combat, ce destin qu'il recherche et sa vérité toute nue. La radiodiffusion française vous a présenté « Qui êtes-vous ? Georges Simenon », une émission d'André Gillois, avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel et Jean-Pierre Morfait. Assistant Gaston Morfait, montage réalisé par Jacques Guinchard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 20 avril 1952. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Me fout le frisson du mollet jusqu'en haut du chignon. Dès que je dois parler d'amour, je m'embourbe dans le mélo. Tuif, tuif. Tout ramolli, démoli dans mon lit, la flemme tombe sur moi, je suis livide et blanc, je deviens chiant et transparent. Et de moins en moins courageux quand il faut faire le langoureux. The langoureux. Michto la pompe, michto, je deviens narvalo. Michto, je frise l'apoplexie et la crise d'anémie. La jaunisse et l'arrêt du cœur au premier son de Stimmer. Rien d'autre ne m'intéresse, pas même une histoire de fesses. Rien d'autre ne m'intéresse, pas même une histoire de fesses. Ce qui me stresse et me presse, c'est le swing, le reste. Je m'en balance, je suis aigri, je suis fermé à double tour, tant pis. Mélange de Rayman et Rému. Le joli cœur j'ai jamais pu, ou j'ai jamais su. La bossa nova et le R&B, ça me gave. Je préfère le son des rabouins, des traits de guitare qui n'ont pas de fin. Ça au moins ça me fout les poils et me hérisse l'épine dorsale. C'est derrière. Michto la pompe, michto, je deviens Marvalo. Michto, je frise le popexi et la cristallémie. La jaunisse et l'arrêt du cœur au premier son de Stimmer. Rien d'autre ne m'intéresse, pas même une histoire de fesses. Rien d'autre ne m'intéresse, pas même une histoire de fesses. Restaurant romantique, c'est la chope des puces. Voir Ninine et Mondine, c'est mieux que de traîner en amoureux. Voyage de noces, promesse d'amour, nous ferons tout à Clignancourt. Mais alors tout, on habitera, nous habiterons à Saint-Ouen le périphérique. Sera un peu notre océan pacifique et de temps en temps. Nous vendrons des objets trouvés dans les poubelles rue des Rosiers. Michto la peau, Michto, je deviens narvalo. Michto, je frise l'apoplexie et la crise d'anémie. La jaunisse et la liqueur au premier son de Stimmer. Rien d'autre ne m'intéresse, pas même une histoire de fesses. Rien, rien d'autre ne m'intéresse, pas même une histoire de fesses. Approchez, approchez, qui veut mes objets trouver. J'ai tout acheté aux Emmaüs et je les revends 20 fois plus. Si tu veux une table en formica ou un vieil harmonica, un cendrier et puis deux mégots à Hubert et à Django. J'ai peut-être même sa montre en or, un bout du Rainbow Warrior, quelques diamants de Mocassa, des soutifs à Madonna. Regarde une photo de Louis Jouvet qui mange avec Eddie Barclay. Et puis tous les Trembert et Jeannot, j'ai tout ce qu'il vous faut. Quelques invendus de San Severino, des rayons à Bernardino. Ne m'intéresse pas même une histoire de fesses. Michto.